Merci d'être venu nous rendre visite, surtout ceux qui viennent pour la première fois, on pourra leur expliquer le CIRA après. Après, il y a un petit apéro, on peut discuter tranquille, vous posez toutes les questions que vous voulez sur le CIRA. Donc, tout ça pour dire qu'on fait une causerie mensuelle, c'est dans ce cadre-là, et aujourd'hui, on a invité Goebbels. Goebbels. Goebbels, accompagné d'Isabelle Félicie. Donc, Goebbels est auteur, graphiste, illustrateur. Et il est notamment l'auteur de cette bande dessinée qui est parue en deux volumes en 2008 et 2010 qui s'appelait Les Croquignards. Et on va voir pourquoi on passe des croquignards au Baudissard. Ça, je garde le suspense mais qui va être dévoilé dans quelques minutes. Donc deux albums de BD. Et pour faire ces BD, il y a eu un travail de documentation énorme. Et une partie des documents qui ont servi aux BD se trouve dans ce volume qui est paru en fin 2017, qui s'appelle Empreinte. Et Isabelle est là parce qu'elle a participé aux traductions, mais elle n'est pas la seule. Il y a Tony qui est très modeste, qui ne voulait pas que son nom apparaisse. Et puis il y a aussi une Martha Massel, c'est ça? Oui. Et entre autres. C'est tout. Trois traducteurs. Oui, mais non, parce que c'était facile. En plus, ma soeur, Donc, tu es, bon, à part la BD, tu illustres des pochettes de disques, tu fais des cartes postales, tu fais des affiches, d'ailleurs, qui ne plaisent pas tellement à la Maréchaussée. Tu nous en parleras de cette histoire, parce que ça, c'était quand même cocasse. On parlera de l'affiche plus en détail. Tu es aussi investi dans un lieu de vie dont vous venez d'acheter, vous avez acheté. En train d'acheter. Donc c'est dans un bled qui s'appelle La Roche de Rame. La Roche de Rame, c'est à côté de l'Argentière la BC, donc c'est pas loin de Briançon. Ouais. C'est dans la vallée de la Durance, on en sort bien plus près de Briançon que de là. Et vous vivez en t-shirt là-bas comme ça? Aussi, oui. Donc il y a plein d'activités parce qu'effectivement c'est une zone, enfin ça tu nous en parleras, il y a des lignes à haute tension, il y a de quoi militer dans cette région. Et justement l'intérêt de cette histoire, bon je vous le dis tout de suite, c'est pas des anarchistes, c'est des gens, vous allez nous détailler leur itinéraire, mais bon l'intérêt de, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir, c'est quand même, il y a l'histoire de frontières qui, en réalité, des deux côtés de la frontière, c'est le même peuple, puisque c'est des Occitans, il y a la guerre de 14-18, puisque c'est des gens, on va en parler, qui ont déserté. Donc, tu prépares pour revenir avec Goebbels, sans S, qui en réalité s'appelle Pierre. On peut l'appeler Pierre si Goebbels est trop compliqué à prononcer. Et tu prépares une BD dont tu nous parleras, avec Éric Mandy-Ara. Et cette BD, là, ce n'est pas tout seul, c'était avec Corinne Le Divet. J'ai tout tellement mal que je n'ai pas à me relire. Et Isabelle, donc, on a eu le plaisir de te recevoir au mois de novembre. Et tout novembre, tu as pris un abonnement. Et tu nous avais parlé de Brassens et autres enfants d'Italien, parce que tu es prof à l'Université de Montpellier. Et tu enseignes l'italien, la culture et la langue. Et tes travaux personnels portent sur l'immigration italienne et en particulier sur les anarchistes italiens en exil. Donc là, tu as écrit plusieurs bouquins, il y en a deux chez ACL sur Damiani, j'ai oublié le prénom, ça va vraiment. Oui, mais c'est parce qu'on a oublié le nom dans le film. Oui, il manque vraiment quelque chose sur la couverture, ça s'appelle Gigi Damiani et la Tchétchilia, une communauté anarchiste dont il est connu parce qu'il y a eu un film. Et le Brassens, vous l'avez pas? Et le Brassens, on ne doit plus en avoir, on a tout fourgué là-dedans. Vous l'avez tout vendu là-dedans, je vous entends monsieur. Voilà. Ben écoute, je crois que j'ai assez posé, je vais vous laisser la parole. Alors, merci. Alors, on s'est dit avec Pierre, si vous êtes d'accord, que en fait, je commence et puis chaque fois qu'il veut, il m'interrompt. Et puis vous aussi, vous pouvez poser des questions. Donc, on va. Je peux t'interrompre quand je veux. C'est ce qu'on avait dit, non? D'accord. C'est parce que tu es timide, parce que c'est Isabelle non, qui va plus parler. Non, parce qu'il m'a dit, moi je tourne en rond. Alors j'ai dit, si tu veux, moi je fais du carré et puis quand il voudra rajouter des ronds. Mais on peut changer de scénario si non, non, j'ai pas le carré, moi, justement. En fait, bon, alors je commence comme on avait dit ou pas? Oui. Bon, alors je commence. En fait, je commence d'abord pour raconter comment rentrer, parce que c'était assez sympathique. En fait, grâce aux ACL de Lyon qui publient des trucs que j'écris, et puis ils hébergent aussi un blog que je tiens de temps en temps, qui s'appelle « Les anarchistes italiens dans le monde ». Et en fait, du coup, grâce à ce blog, j'ai été plusieurs fois contactée par des gens qui s'intéressent aux anarchistes italiens dans le monde, mais qui sont plutôt francophones. Et ben voilà, Pierre, c'était le cas. Et du coup, maintenant, ça me permet de dater aussi, parce que j'avais oublié la date. En fait, c'était 2008, c'était juste après l'apparition du premier volume des Croquignards. Et donc, alors, tu viens de dire... Philippe, que c'est vrai que c'est pas une histoire d'anarchiste, mais en même temps l'histoire de la désertion, on va en parler tout ça. Disons que Pierre avait quelques doutes un peu aussi par rapport aux lectures qu'il avait trouvées sur ces personnages. Donc en fait, on a un petit peu échangé là-dessus. Et du coup, ben, j'ai reçu le premier volume magnifiquement dédicacé avec un dessin. Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites fautes en italien, donc j'ai proposé humblement ma collaboration pour le deuxième volume. Du coup, il y a un tout petit peu moins de fautes, je crois, dans le deuxième volume. Et puis il y a aussi mon nom pour me remercier, et j'ai un deuxième volume aussi super bien dédicacé. Voilà. Donc, et puis en fait, tout ça, ça s'est fait pendant qu'on ne se connaissait pas encore. On s'échangeait des mails, et puis on se parlait au téléphone. Et puis un jour, grâce à Marseille, au Flamme Marseille, et à la Flamme... En fait, on s'est rencontrés en vrai, et puis du coup, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. D'autant plus que, après, ça m'a donné envie d'aller voir sur place cette frontière. Bon, moi, je travaille pas mal pour la France, l'Italie, mais pas que. Du coup, avec Pierre, on a été faire un tour chez les Brodissards de l'autre côté de la frontière. Nous traversâmes dans sa voiture avec lui au volant, les tournants, j'ai encore quelques vertiges. Voilà, quelques vertiges aujourd'hui, j'avoue. Et puis surtout, on a rencontré la petite fille d'un des frères en question. Voilà. Mais on ne va pas vous raconter tout de suite l'histoire. Bon, on a rencontré déjà Loris Berger. Et oui, plus Loris. Non, moi je l'ai rencontré la première fois, c'était là-bas. Hein. Oui, mais on l'a rencontré juste avant la petite fille, c'est lui qui nous a emmené. C'est lui qui nous a emmené chez la petite fille, voilà. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi par Internet, qui a une association et un centre, une sorte de maison associative qui est bien sympa, justement, qui, quand j'avais lu ça, je m'étais dit, il nous faudrait ça chez nous en France, un truc hors norme. Donc c'est ce qu'on est en train de monter. Donc c'est, il est non, peut-être pas à l'origine, mais en tout cas de ma vision à moi, parce qu'il y a la vision des autres. Et qui fait paraître la revue Limatac, c'est une revue italienne que vous pouvez retrouver ici. Et depuis, il y a des amis et d'autres personnes aussi qui ont fait une version française qui n'est pas une traduction de cette revue, qui reprennent des fois des articles de cette revue italienne, mais aussi... Et voilà. Elle est arrivée ce matin. Okay. Ah, elle est arrivée ce matin. Okay. L'italienne, pas la violonci, la française. Alors, oups, c'est déjà parti, c'est normal, c'est parti. Ah non, c'est pas... Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on présente le troisième volume, qui n'est pas tout à fait le troisième volume, disons, qui est un complément. Dans, le dossier. Le dossier, dire. Voilà. Dossier mais avant, bah, je voudrais aussi, parce que Pierre m'a envoyé plein de dessins que j'avais le droit de choisir tout ce que je voulais vous montrer, parce qu'il est non seulement, il est aussi illustrateur, et donc il a fait plein de sortes de dessins, et j'en ai choisi quelques-uns. Donc ça, c'est un peu sa carte de visite, on peut dire. Ouais. Donc si vous avez besoin, je sais pas, vous connaissez une association ou, qui a un peu de sous quand même, parce que je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'il faut faire aux affiches. Un marchand d'armes, voilà. Donc il peut vous faire des super affiches. Et il en a fait une, alors ça j'ai pris, c'est trop bien pour des copains qui ont un bel poste, c'est ça un gîte, voilà. Donc ça c'est Pierre côté soleil, et puis vous avez aussi Pierre côté sombre, voilà. Et je ne vous parlerai pas des vannes qu'il met sur Facebook et ailleurs, et il est assez, il trouve toujours des belles, il a même réussi à me faire croire, bon je vous allais dire, je suis un peu naïve, qu'il s'était fabriqué tous ses amis sur Facebook. Mais bon, pour vous faire un peu comprendre le personnage, voilà, il vous fait croire n'importe quoi. Il a fait une superbe affiche pour des bikers, alors si vous arrivez à Briançon, sur une des places principales, vous avez une grosse affiche comme ça qui fait combien 10 mètres de long, 10 mètres de haut, c'est ça? Non, elle était grande, il y en avait plein partout, mais c'était les dernières. Maintenant, il n'y a plus que quelques cafés qui l'ont encore. Et si vous regardez bien ici, mais c'est un peu c'est flou peut-être. Non, c'est pas Johnny, mais sur la gauche, vous avez quelqu'un qui ressemble étrangement à Coluche. Ben, c'est Coluche parce que c'est le garage Lambert. Voilà, c'est Coluche. Voilà, bon, j'ai choisi aussi. Alors, il vit donc à l'Argentière, la BC, c'est dans la vallée de la Durance, il y a des montagnes. Le Pelvoux, c'est le dieu de la région. Et il fait beaucoup de dessins aussi en lien avec la nature, mais qu'on retrouve aussi dans les BD et dans le troisième volume. Donc, moi, j'ai choisi celle-là parce que, bon, elle me plaisait bien aussi, mais ma préférée entre toutes. C'est celle-ci, voilà, qui existe aussi en carte postale, si vous... Bon, ça, c'est tout à fait... il m'a dit, tu choisis ce que tu veux, donc voilà, j'ai voulu vous faire une petite présentation générale du personnage tel que j'ai un peu connu. Et là, vous avez pareil, face, côté soleil et côté ombre, après l'orage. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de Serpenson qui se... Et bien voilà, tout près de Serpenson. Serpenson, voilà. Alors, on va dire quelques mots sur celle-là aussi, parce que, attends, quand on est venu, c'était avant, donc elle était accrochée, c'est du bois, je crois, c'est un tableau. Un tableau sur bois, voilà. Dans un endroit qui est un peu le lieu de retrouvailles, parce que c'est le bar qui est près du camping, tout près de la Durance. Donc c'est vraiment le lieu où on se donne rendez-vous le soir à l'Argentière, à la BC, en été en particulier. Voilà, c'est en plein air, au milieu des montagnes, donc quand il fait chaud, c'est super. Et il y a des concerts deux fois par semaine. C'est vivant, il y a plein de gens. C'est bon, on mange. La bouffe est bonne. Et voilà, c'est un endroit agréable. Un copain qui avait fait ça, qui avait ouvert ça, qui avait une idée, ça a été repris après parce qu'on en avait marre de toucher des pommes de terre et de faire à manger parce que lui c'est un menuisier à l'origine. Mais après, celui qui a repris ça, il a rendu ça bien vivant et voilà. J'ai eu envie de faire un petit tableau d'un petit truc sympa et puis en me disant si j'arrive à lui vendre, tant mieux, ça me fera 2 francs 6 sous. 3 euros 6 sous. Sauf qu'il y a eu une petite histoire. Et un jour, il devait demander l'autorisation à la gendarmerie pour retransmettre un match de je sais pas quoi. Et le gendarme, quand il a vu ce truc-là au mur, il a dit vous me retirez ça tout de suite, sinon je vais rebattre. D'accord. J'étais avec un témoin, la gendarmerie, heureusement que j'avais un témoin, parce que la suite, s'il n'y avait pas de témoin, on pourrait m'accuser d'incréativité, d'inventivité, d'outrage, de malversation mentale. Je me suis pointé, quand je suis arrivé, il est sorti, il m'a arraché le tableau des mains, il a fait c'est bon ça, mais si je fais l'affiché avec marqué... tous les chauves sont des cons, est-ce que ça vous plairait? Il y avait des gros personnes, après il a commencé à me parler de l'état d'urgence, donc c'est idiot. Quoi? Vous dites que je suis idiot? Non, j'ai dit c'est idiot. Vous dites que ce que je dis c'est idiot? Non, j'ai dit que... Ensuite, d'autres choses comme si je prends une photo de ma bite, excusez-moi de dire bite, c'est un peu cavalier, mais si je prends une photo de ma bite et que je la mets sur la bite de la gendarmerie, est-ce que j'ai le droit? D'accord. C'est ce gendarme-là? Ouais. Ce gendarme-là? Et là, après, je vais te poser une question, parce que j'aimerais bien savoir ce que tu es en train de lui dire, parce que là, tu le fais franchement rigoler. Je dois être en train de parler de l'outrage, le sage parle de l'outrage, et l'imbécile regarde le doigt, ou un truc comme ça. Quand on est sorti de là, avec le témoin, on était... Je ne savais pas comment faire avec cette histoire-là, parce qu'il m'a dit le parquet y suit, si vous l'exposez sur le territoire de la commune, après ailleurs, je m'en fous, mais sur le territoire de la commune, je verbalise. Donc, je ne vais pas aller chez quelqu'un l'exposer, parce que c'est pas moi qui aurais pris. Ça aurait été le commerçant. Et le soir, j'ai commencé sur Facebook à raconter ça, envoyer tous mes copains, ceci, ceci. Ceci n'est pas anodin, c'est une attaque directe contre un gendarme de l'Argentière, et puis je raconte toute l'histoire. Donc c'est parti en vrille, tous les gens, qu'est-ce que c'est que ça, avec des gros mots des fois, une pire. Et l'anti-diable qui m'a paru, qui m'a dit, et là, envoyer un message, demain va y avoir outrage à la République, aux bonnes mœurs, c'est un gendarme à la République, rendez-vous devant la mairie de l'Argentière. Et je me suis pointé pour la mairie avec mon tableau, je l'ai accroché, jour de marché. Donc il y avait habillé des gens, comme ça aussi. Habillé comme ça. Et c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez. Ce tableau est interdit d'exposition sur la colline de l'Argentière par décision d'un officier de la police judiciaire. C'est un outrage. Et mon petit, le matin, c'est une copine quand elle m'avait passé le pantalon de bagnard. Il m'avait mis un post-it qui avait marqué « L'ignorance est une menace ». Alors j'avais rajouté « L'ignorance est une menace » en dessous. Et comme il n'y avait pas de gendarmes qui étaient là, j'ai envoyé des copains à la gendarmerie dire qu'il y avait « il se passait un truc ». Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il faut que vous y alliez. C'est grave. Et une heure après, il s'est pointé, il a tourné. Quand j'ai vu apparaître au coin, je me suis dit « à toi ». Soit t'abandonnes, soit tu plonges, et il a plongé. Quoi. Donc il m'a saisi, il voulait faire de l'acte de saisie à la mairie, je lui ai dit non, non, vous le faites sur le lieu de saisie. Donc il a essayé de tergiverser, finalement il a envoyé le deuxième gendarme chercher les papiers. Et ça s'est fait dans la mairie, avec le copain qui est rentré dans la mairie en hurlant « La police est en train de saisir une œuvre d'art !» Et puis, bon, après, ça s'est arrangé, parce que le lendemain, il m'a rappelé, il m'a rapporté le tableau, je lui ai dit que j'étais pas là, j'étais ailleurs, et que je pouvais pas passer, mais je suis vite descendu de chez moi pour me barrer, mais qui c'est que j'ai croisé qui arrivait, c'était le gendarme. Parce que soit son petit doigt, ou soit leurs écoutes montraient bien que j'étais, mon téléphone était bien là. Voilà, ça, alors je pense pas qu'il va oser vous le dire, mais il a des posters de ce tableau reproduit qu'il vend à la modique somme de 6 euros. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, parce qu'il m'a sucré le permis au mois d'août, là c'était de ma faute, mais bon, ma faute, façon de parler, légalement c'est ma faute, après moi je ne me considère pas tant en faute que ça. Il aurait pu me laisser passer, surtout que j'ai appris qu'il y a un gars ce soir-là qui s'était fait choper avec positif stupéfiant, positif alcool, mais comme il travaille pour quelqu'un d'important, ben, c'est des bruits, ben, je ne sais pas, je n'ai pas la confirmation, mais il est passé de. Et pour payer ces 900 et quelques euros d'amende, je me suis dit, ben non, ben là, c'est toi qui vas aussi en payer une partie. Donc j'ai fait ce poster que je vends à un Cobleton, que j'ai appelé et que je vends, donc ça part bien, là, tous les gens de l'Argentière l'achètent joyeusement. Il va y avoir ses petites oreilles. Ça, du tableau. Ça, donc l'affiche est à l'entrée, il y en a quelques exemples. Non, mais je crois que tu en as encore, Pierre, les affiches. Voilà. On peut garder nos émotions. Alors, on passe au Bodhisattva Kokinya. Voilà. Alors, j'ai commencé par ce premier dessin-là. En fait, quand j'ai reçu les deux volumes, j'ai fait une petite recension et sur le fameux blog en question. Et j'ai demandé à Pierre... un dessin, il m'en a envoyé plusieurs et j'ai choisi celui-là parce qu'on voit bien comment il exprime en fait la menace, la terreur qui s'était emparée de cette vallée au moment de l'histoire des Bodhisattvas qui se déroule entre 1917 et 1920 à peu près. Donc on va vous raconter. Et puis quand j'étais petit, j'imaginais toujours des fois des géants qui apparaîtraient derrière les montagnes. Voilà. Et puis je trouve que ça montre bien aussi son style. Enfin, ça reprend un peu tous les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Et là, sauf que là, évidemment, c'est dans l'idée de raconter une histoire. Alors l'histoire, tu m'avais dit, hein, tu la connaissais déjà, parce que vous avez rendu qu'il a l'accent parisien quand même, mais il connaît bien la région parce que c'était une maison de famille en quelque sorte, c'était l'endroit des vacances quand tu étais petit, c'est ça? Je venais déjà avec dans le ventre de ma mère là-bas, mais après, quand j'avais 6 ans, on a acheté une maison. Et voilà, et donc, on t'a mis entre les mains, ton père, je crois, une petite brochure que quelqu'un du coin avait écrit et qui racontait. Bon, du avec, coin, je sais pas. Ah, du coin. Enfin, quelqu'un qui avait écrit, je ne sais plus le nom, cette brochure. Voilà. Qui avait raconté un peu ce dont les gens du coin finalement se rappelaient et qui avaient peut-être fait quelques petites recherches, etc. Non. En tout cas, c'est le point de départ des deux premiers volumes. C'est ça. Oui. Dans ses feuilles photocopiées, il ne parle pas du procès, donc je suppose qu'il a dû écrire ça à l'époque. Après, il y a des erreurs, mais il y a quand même plein de choses exactes. Voilà. Plein de choses que j'ai pu retrouver après, des fois qui ne sont pas chronologiques. En tout cas, toi, si j'ai bien compris, hein, tu as fait les deux volumes à partir de ça, et ensuite tu as continué les recherches, aussi parce que Loris, dont tu as parlé tout à l'heure de la revue Minata, t'as passé des documents que lui-même avait recherchés parce que ça l'intéresse aussi. Et c'est pour ça aussi que t'avais programmé qui rectifie un petit peu certaines erreurs. C'est ça? Non, j'avais commencé les recherches moi-même à partir de ce truc-là. Après, j'ai rencontré Loris qui m'avait donné pas mal de choses, mais j'avais quand même fait la Bibliothèque nationale, les archives de la gendarmerie, les archives départementales, les archives communales, donc j'avais déjà un petit paquet de documents. Et sinon, pour en revenir à ce qu'il disait sur Croix-Clinière Gaudissart, c'est qu'au début, on m'avait dit que la famille ne voulait pas qu'on parle d'eux, alors qu'en fait, a priori, pas du tout. Mais voilà, j'avais pas envie, s'ils n'avaient pas envie de mettre leur nom, leur vrai nom, il fallait que je trouve un autre nom. Et puis croquignard, c'est croquignol, comme dans leurs aventures, des fois c'est un peu kéniclé, ils font des coups qui foirent. Voilà. Et puis croquignard, ça sonnait bien, c'était pas pris. Voilà. Et donc, en fait, c'est une histoire vraie. Donc là, il y a deux photos. Bon, c'est ce que j'ai pris dans ce que tu m'as envoyé. J'ai pas trouvé les deux autres frères. Donc. Les frères Gaudissart à droite représentés par Pierre, qui, quand tu les as représentés, je crois que tu n'avais pas encore eu le temps. Et ensuite, il a retrouvé, donc à gauche, c'est le plus âgé, qui s'appelle aussi Pierre. Mmh. Voilà. Le troisième, c'est le deuxième aîné, quoi, qui s'appelle Ernesto. Ensuite, il y a Alessandro, c'est le plus fantasque, on va dire. Le chef, un peu. Et le petit dernier, Luigi, donc qui va mourir très tôt dans des conditions assez horribles, on va en parler tout à l'heure. À 20 ans. Voilà. Et donc, il s'appelle Bodissart. Ça ne doit pas vous étonner, même s'ils sont italiens, parce qu'en fait, ils viennent de cette commune. À l'époque, c'était une commune à part. Maintenant, c'est une fraction de Fenestrelle hein, qui se trouve dans la Val Chisone. Alors, j'ai pas eu le temps hier soir, quand j'ai fait tout ça, de faire une carte, parce que c'était un peu tard et que Pierre m'a envoyé ça, je ne dis pas quand, mais bref. Donc, je me suis dit, il faudrait une carte. Si j'avais un tableau, je vous dessinerais l'Italie. Je sais très bien faire ça. En tout cas, voyez Briançon. Ouais, vous continuez après Briançon, vous arrivez à Sestrières. Et là, soit vous allez vers la Val Souza, mais ce n'est pas là que vous devez aller, vers l'autoroute et tout. Vous prenez l'autre vallée, et ça tourne beaucoup, surtout quand c'est Pierre qui conduit. Et là, vous arrivez à. Donc, même quand je ne conduis pas. Hein. Non, mais comme ça, vous conduisez, ça tourne beaucoup plus vite. Ça tourne plus vite. Voilà. Et donc vous passez à Fenestrelle, qui est un peu le symbole des rapports entre la France et le Piémont, qui remonte au Moyen-Âge. Enfin, il y a toute une histoire très forte entre les deux. C'est une zone de frontière, comme tu l'as dit. Les zones de Savoie et le Dauphiné. Et voilà, donc à l'avant, ça s'appelle même la France et l'Italie. Mmh. Et là, c'est un peu le symbole de cette, on peut dire, rivalité, parce que c'est le fort de Fenestrelle, qui est la deuxième plus grande muraille après la muraille de Chine. Parce que ça monte toute la colline, là-haut, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est assez impressionnant. Et en fait, ça vient, en gros, parce que Louis XIV avait fait construire un autre fort avant, donc il ne reste plus grand-chose. Bon, enfin, c'est, en tout cas, c'est une histoire, une zone assez contestable, je ne sais pas dire ça en français. Contestable, non, mais ça a été une zone de passage des troupes en permanence. En permanence. Tous ces cols, voilà. Ça a été. Et c'est important. Depuis les guerres d'Italie. Voilà. Et ça marque encore beaucoup la zone, hein, même quand des gens du coin, du côté italien, vous parlent des Français. C'est pas comme les Français dans le reste de l'Italie. Enfin, c'est assez. Lorient. Ouais, vas-y. Ben, il y a une chose, d'après ce que tu parlais de la consonance française, c'est qu'avant c'était des vallées françaises qui faisaient partie des cinq escartons, de la République des cinq escartons. L'escarton de Briançon. Voilà. Non, il y a l'escarton de Briançon, et après il y a l'étau, le Quéral. Oui, mais ils étaient associés, ils sont regroupés sous le nom d'escarton de Briançon. Et Louis XIV, après, on a vendu une partie qui est devenue italienne, et mais les noms sont restés. Ouais, c'est même plus compliqué que ça, en fait, parce qu'il y a même aussi des populations qui sont parties de France pour aller s'installer là-bas, parce qu'ils étaient, ce qu'on aurait dit à l'époque, des hérétiques, en fait. Ils étaient vaudois, ils suivaient un Pierre Valdo, ils étaient protestants, voilà, et du coup, ils ont trouvé là-bas. C'est protestant bien après, c'est après le concile de Saint-Furon qui est protestant. Ouais, enfin, en tout cas, il y a une histoire de religion là-dessous. Oui. Et moi, j'avoue, j'ai pas fait toute la recherche. Tout ce que je sais, je le sais en lisant les Gaudissart et les Cropignards. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir que en fait, ça interroge beaucoup la notion de frontière. Parce que, aussi bien au niveau de la langue, ces vraies frontières, enfin, entre guillemets, qui changent. Et c'est vrai que moi, je dis Fenestrelle, Mantoule, les Usseaux, l'eau, ça. Mais en fait, les Italiens ne prononcent pas Oux, les Italiens ne prononcent pas exactement comme ça. Il faut quand même dire qu'ils parlent aussi par les Écosses. Mais pas partout. Alors, pas partout. Alors, là, oui. À Mantoule, oui. Les frères Gaudissart, ils parlaient occitan. Hein, d'ailleurs, on va en parler. Oui, ils n'appelaient pas ça l'occitan. Ils disent le patois. Mais en fait. Même le patois dit la mode d'un pays. Ça veut dire la mode du pays. Ah, d'accord. La façon de parler du pays. Enfin, en tout cas. Mais c'est de l'occitan. Ils disent le patois. Non, oui. Voilà. Et les patois sont différents de village en village, de vallée en vallée aussi, il n'y a pas qu'un seul patois. Mais oui, parce qu'en plus, il y a aussi des mots français, parce que du temps des Vaudois, ils faisaient, je crois, leur pratique religieuse en français et pas en français. Enfin, c'est assez compliqué. La première Bible imprimée, ça a été la Bible des Vaudois. Des Vaudois. Bon. Enfin, si vous voulez creuser, grâce aux Gaudissart, il y a plein de choses que vous pouvez creuser. C'est ça. Moi, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le faire. Hein. J'ai vraiment découvert tout ça grâce à Pierre. Alors, il faudrait pouvoir suivre un petit peu les frères. On peut dire que le plus grand, Pierre Thiérot, il était déjà venu à l'Argentière ABC comme cordonnier. C'est ça ? Il était installé comme cordonnier. À Alessandro, il était déjà venu pour travailler parce qu'à l'Argentière ABC, s'est installé une... Il y a eu tous les travaux pour une usine hydraulique. L'ingénieur Planche a décidé de capter les eaux de montagne pour créer une usine pour fabriquer de l'aluminium et différentes choses. Donc il y a eu des gros travaux qu'on appelait une main-d'œuvre étrangère. Donc il y a eu des Italiens, mais il n'y a pas eu des Italiens, il y a eu des Espagnols, il y a eu des gens des pays de l'Est, il y a eu toute une forte demande de main-d'œuvre. Dont les Gaudissart qui vont venir travailler là, Pietro il va s'installer, mais Alexandre à 14 ans, voilà, il va travailler là-bas, il va participer à la construction de la maison du curé Rossignol, qu'on va retrouver aussi plus tard. Et donc pour dire, en 1909 déjà, j'ai un papier de l'accident du travail qui donne les noms de Pietro, Alexandre et Ernest, qui sont présents là-bas. Donc ils connaissaient déjà la région, en fait, ils étaient déjà un peu chez eux, entre guillemets, hein, parce que, en plus, c'est des gens de montagne qui marchent, et ils connaissent les chemins, et ça, c'est important aussi pour la suite. Alors, ce qui est important de dire aussi à propos d'Alessandro, c'est qu'il a une première expérience de la guerre, pendant les guerres coloniales italiennes. Hein, donc il est déjà soldat au moment de la guerre de 1911 en Libye, c'est bien ça? Oui, il y a l'invasion de la Libye en 11, lui il est appelé en 1912. En 1912, Et il part donc de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Ça doit être la première fois qu'il quitte son pays, qu'il voit la mer. Et donc là, il a quel âge à peu près? Il a 20 ans et quelques. 20 ans et quelques. 20 ans et quelques. Et bon, là, j'ai mis ce dessin parce que je me souvenais avoir lu un truc dans le texte de Pierre qui m'avait plu. En fait, c'est un... Il est général à cette époque-là, ouais. Le général Graziani qui... Ah oui, le boucher. Voilà, le boucher, exactement. Et ça montre bien un petit peu le... Enfin, ça rappelle la façon dont les soldats étaient traités, enfin, comme de la chair à canon, qu'ils soient les soldats coloniaux ou les soldats italiens. Là, c'est pendant la guerre coloniale, mais pendant la guerre de... Alors, en Italie, c'est la guerre de 15-18, pas 14-18, hein, mais c'est pareil. Et donc, aussi bien Alessandro que Luigi sont appelés sous les drapeaux et ils doivent partir à la guerre, Première Guerre mondiale. C'est bien ça. Lui, il est rapatrié de Libye pour repartir au front. Je ne sais pas s'il repart au front, parce que entre 15 et 17, je ne sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, il est forcément soldat. Luigi va se faire appeler, mais lui, il sera appelé dans la milice territoriale quand on est jeune d'abord, et puis après, sûrement peut-être qu'il sera envoyé là-bas. Voilà. Alors, toujours est-il qu'ils sont soldats. Alessandro est blessé et se retrouve à l'hôpital. À Turin. J'ai pas mis la photo de l'hôpital de Turin redessinée par Pierre, mais vous pourrez la trouver dans les volumes. Et là, en fait, c'est là que l'histoire se déclenche finalement, parce qu'il sort de l'hôpital et il rentre pas à l'armée. Donc pour l'armée, il est déserteur. Il sort avec une fausse permission. Voilà, il sort et donc il est considéré comme déserteur, ce qui veut dire qu'il est en gros condamné à mort. Ouais. Hein, les déserteurs à l'époque, ils étaient condamnés à mort, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus rien à perdre finalement. Donc il se cache, c'est là que l'épopée, on va dire, commence. Il commence à faire des petits larcins pour survivre. Ah, vous voulez vous le dire après. Luigi va se retrouver dans le même hôpital, il va déserter aussi quelques mois après Alexandre, et ils vont se retrouver. C'est là que j'avais appelé le petit texte dont je vous ai parlé, la bande à Bodo des montagnes, parce qu'ils ne sont pas anarchistes, c'est vrai, ils ne sont pas peut-être quand même un pas analphabètes, parce qu'ils lisent, en même temps ils n'ont pas une formation vraiment politique, mais en même temps leur façon de vivre, ils brûlent un peu tout ce qu'il y a derrière eux, comme ils n'ont plus rien à perdre étant condamnés à mort, et vous avez vu avec l'épisode Graziani, ça ne pardonne pas. Donc là, ils commencent par des petits larcins, ce que leur famille leur donne à manger, ça leur permet de survivre, mais la famille aussi est embêtée, puisque les parents, ou la mère surtout, est convoquée par la police, n'est-ce pas ? Arrêtée, emprisonnée, pour avoir donné à manger à ses enfants, en gros, je caricature un petit peu. Et donc, finalement, c'est l'escalade, hein, c'est ça, là, ils commencent à voler, surtout dans les fermes, ils vivent dans ces montagnes, dans ce qu'ils connaissent très bien, vous l'avez compris, si bien que, un petit peu, quand ça commence à devenir un peu difficile pour eux du côté italien, ils changent de côté. Déjà, il y a un premier truc qui se passe, c'est... Il va y avoir un guet-apens, les carabiniers apprennent que les deux frères doivent aller dans une taverne, ils se déguisent en soldats alpini. Les carabiniers qui se déguisent en soldats alpini. Et quand Alexandre et Luigi arrivent, le carabinier se montre, ils essayent de fuir et le carabinier leur tire dessus, il blesse Alexandre à l'aine. Mais voilà, déjà, Alexandre sait ce qu'il va savoir réellement ce qu'il attend, c'est une balle dans la peau. Avant, c'était peut-être gentil pour lui de peut-être se sentir en bonne des bois. Maintenant, il sait à quoi il est promis. C'est un nouveau basculement dans l'histoire. Quoi. Alors, peut-être on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est compliqué. Et puis après, donc il y aura un procès plus tard en 1922-23. Et avec toute la liste de ce qu'il aurait reproché, finalement, dès ce qui disparaît un poulet dans la vallée, dans une vallée, c'est de la faute des bodhisattvas, hein, c'est un petit peu ça. Donc, y compris cette histoire de le fameux curé Rossignol, là, dont il a participé à construire la maison, si j'ai bien compris. Donc, il est tué. Et la... Sauvagement tué, parce que c'est le seul qui est tué de cette manière-là. quand ils tirent, en général, c'est contre des gendarmes ou des carabiniers. Et là, ils engueulent le curé, ils l'assassinent. Je me suis toujours posé des questions. Hier, il y a une personne qui a parlé à un vieux, pas si vieux, alors après, est-ce que c'est des bruits, mais il disait que vous avez bien fait de le tuer parce qu'il tripotait des petites filles. C'est aussi une famille riche aussi de l'Argentière. Il y avait l'histoire des œufs que tu m'avais raconté. L'histoire des œufs aussi. Quelqu'un qui m'avait dit que son grand-père n'aimait pas le curé parce que quand il leur vendait des œufs, il les mettait à bouillir juste un petit peu avant pour éviter qu'ils puissent éclore. J'étais chrétienne, d'une famille riche en plus. Donc c'était pas un très gentil curé. Alors, voilà, c'est des bruits. Voilà. Alors, il n'est pas mort tout de suite, ce curé. Et c'est là que, avec bon, moi, j'ai pas fait le travail d'archives et tout ça. C'est Pierre qui a tout fait. Je n'ai fait que lire ce qu'il a recueilli. Il a eu le temps de dire que il a entendu parler les personnes et il les a entendu parler avec un accent espagnol. Avec un accent espagnol. Voilà. Donc. C'est là qu'on pourrait parler de la langue, et là peut-être que Tony peut même en parler mieux que nous, parce que les Bodhisattvas, dans leur vallée à Montoul, et on a été ensemble avec Pierre, ils ne parlaient pas italien, ils ne parlaient pas français, ils parlaient l'occitan, enfin le patois. Donc surtout entre eux, le curé Rossignol, tout en venant d'une famille riche, il parlait aussi le patois. Il parlait aussi le patois. Donc, si il avait entendu les frères parler entre eux, moi, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas reconnu le patois. Je ne sais pas si c'est parler entre eux ou c'est quand ils m'ont demandé... parce que dans les articles, ils lui disent des sous, donnez-nous des sous. Enfin, parce qu'il y a un autre historien dont tu n'as pas parlé, qui a fait une grosse recherche aussi, et lui, il est sûr que les frères Bodhisattvas n'ont pas tué le curé Rossignol. Et Pierre jure que les Bodhisattvas ont tué le curé Rossignol. En tout cas, il a été inculpé pour ça. Ils étaient là à ce moment-là. Puis, d'après ce que tu dis, il y a toute une mythologie qui s'est créée sur ces personnages. Il a dit, tout ce qui se passait dans la vallée, on l'en mettait sur le dos. Donc effectivement, un curé qui meurt, c'est... En plus, ils étaient italiens, donc voilà. Provocation. Et il n'a jamais reconnu, lui, la mort du curé. Ça, c'est une... Il a reconnu tout un tas de choses. Après, il y a Ernest qui les reconnaît, qui fait des aveux quand il est arrêté, qui dit que ses frères lui ont bien dit qu'ils avaient tué le curé. Oui, mais après, échange, c'était pour se faire libérer, si j'ai bien. Après, il faut savoir déjà comment ça se passe à l'interrogatoire. Ben oui. À cette époque-là, c'était un coup de chaussette à clous. Bon, enfin, bref, vous savez maintenant l'histoire aussi du curé. Et puis, je pense qu'il faut raconter l'histoire de Luigi. Donc, avant que tu en parles, je raconte comment moi, je l'ai vécu. Parce qu'évidemment, ce garçon, donc, il était déserteur, donc condamné à mort aussi. Il a sûrement fait plein de bêtises dans sa vie, mais quand même, à 20 ans, il est mort en se vidant de son sang parce qu'il a été blessé. Il y a des dessins. Alors, franchement, je n'ai pas mis le dessin que vous retrouverez dans les BD, parce qu'à chaque fois, je trouve ça... Enfin, c'est trop réel pour moi, parce qu'il il meurt en se vidant de son sang et on le retrouve 3 semaines après, c'est ça? Le lendemain, quand même. Tu vois, ton dessin, il a fait travailler mon imaginaire, parce que... Du coup, moi, je le vois comme un squelette vivant, quasiment. Donc, tu peux peut-être raconter l'histoire de la mort de Luigi. L'Argentière, dans le haut de l'Argentière, près de la maison du curé Rossignol. À cette époque-là, on a vu tout à l'heure les gendarmes qui... Il y a un dessin de gendarme où il y a marqué « Sous les assassins du curé Rossignol qui ont blessé le gendarme ». S'ils étaient descendus dans le sud, ils sont montés. Il y a des gendarmes qui ont vu des cyclistes sans lumière et qui se disent « Ah, là, des contraventions à pattes qui arrivent ». Ils leur mettent la main au collet, sauf qu'il y en a un qui se prend un coup de pistolet dans la tête, ça lui va lui laisser un œil. Le lendemain, on arrête Ernesto, qui a été séparé de ses frères, pour une histoire de... Enfin, voilà, c'est à raconter là-dedans. Et Ernesto donc, va se retrouver en prison, les deux frères vont continuer, c'est l'hiver, donc après il y a des chasses, des battues, le printemps commence, et dans le haut de la baissée, il y a Il y a la famille Teuil qui a des maisons, et il y a une maison qui est bien sympa parce que dans une cave, il y a du vin, il y a du jambon, etc. Ils y ont déjà été deux fois, et là, ils y retournent une troisième fois chiper le bon vin de Père Teuil. Sauf que son chien se met à aboyer, donc il se réveille, il va voir, il prend son fusil, il va voir, il trouve des ombres en train de marcher dans l'ABC, il les appelle, il se prend un coup de fusil, donc il répond avec son fusil à lui. Il semble avoir touché quelqu'un, ensuite les gendarmes arrivent, toute la population se met à fouiller dans l'ABC. Il y a une patrouille de deux personnes qui descendent un peu plus bas, ils voient l'ombre dans le fossé. Ils lui disent de se lever, l'ombre répond « je peux pas, j'ai mal », mais en même temps elle se relève en leur tirant dessus. Il y a un brigadier des forêts, il va se prendre plusieurs balles, mais il va en réchapper. Par contre, le gendarme répond. Et ensuite, toute la nuit, on cherche, mais on ne trouve personne. C'est le lendemain des gosses qui s'amusent à chercher la piste des bandits, puis ils trouvent des pièces, et puis ils trouvent des titres porteurs italiens, puis ils trouvent une chaîne de montre, et puis ils trouvent un cadavre dans les forêts. Et c'est Luigi qui s'est vidé de son sang, et qui a dénoué sa ceinture tailleule, une ceinture en tissu qu'on se mettait autour pour essayer de se faire un garrot, mais voilà, il est mort. Et dans un article de journal aussi, on parlait éventuellement d'un coup de feu supplémentaire entendu plus tard. Est-ce qu'il se serait suicidé? Mais a priori, s'il se serait suicidé, ce serait dans la tête, et on aurait trouvé une balle dans la tête. Donc ça, je ne crois pas, mais non, il s'est vidé de son sang tout seul. Et Alessandro était de son côté, et blessé au pied, peut-être que Luigi lui était pas blessé, qu'il a fait le cerf pour... Non, je sais pas. En tout cas, c'est là que donc le parcours de Luigi s'arrête, et Alessandro continue tout seul. Il repasse la frontière vers l'Italie. Mais d'abord, il se cache dans la montagne, blessé, et après, il se soigne. Et pendant ce temps-là, justement, c'est aussi le truc amusant, et là j'en rajoute, on avait dit qu'on irait vite, mais c'est vrai que ça fait partie de la suite, c'est qu'il faut quelqu'un pour reconnaître le corps de Luigi. Donc, qui c'est qu'on a sous la main? C'est Ernesto qui est en prison à Embrun, donc on prend Ernesto, on l'amène à l'Argentière. Là, il dit, non, pas Luigi, j'aurais préféré te retrouver en vie, on aurait pu discuter. Et ensuite, on le met à la prison de Briançon. C'est le seul détenu de la prison. Il y a un gardien-chef, il y a une aide-gardienne qui lui avait été adjoint quelques mois auparavant. Et le gardien-chef, Marianis, qui l'aime bien, lui, c'est aller jouer aux boules. Et voilà, un jour, il va en plein après-midi jouer aux boules au Champ de Mars. Et Ernesto, qui n'est pas la moitié d'un crétin non plus, donc il a dû bien voir ce qui se passait. Et quand la Madame Vallière lui apporte son plateau repas, elle entre dans la cellule, il l'attrape, il la ligote, et puis il part de la prison, tranquillement. Et c'est lui qui va s'installer en Italie. Il repasse en Italie, et Alexandre le suit aussi en même temps. Mais un mois après, Ernesto se prend à reprendre, mais... Ils continueront tous les deux, en tout cas, leur coup en Italie. Mais lui, après, il n'est pas arrêté. Après, il ne reste pas en prison. C'est là qu'il a refait sa vie. Donc, il a une femme et des enfants, déjà. Il avait un enfant, puis après, il doit être libéré, sûrement, parce qu'il n'a rien fait pour passer en Italie. Tandis qu'Alessandro, donc, à ce moment-là, il repasse de le côté de la frontière et il vit sous une autre identité. Et finalement, les choses qu'il a apprises pour se guérir lui-même, il en fait une sorte de fonds de commerce, puisqu'il se fait passer pour un... Je ne sais pas si c'est un fonds de commerce. C'est ce que j'ai lu, moi, qui est guérisseur. Oui, qui se fait passer pour médecin guérisseur, mais au procès, justement, il y a une femme qui a un truc, je ne sais plus ce qu'elle a comme maladie, lui recommande une pierre chaude à mettre sur son truc, et puis après, le soir, il vient la cambrioler, ou quelques jours après, il vient la cambrioler. Mais alors, est-ce que c'est un vrai médecin? Est-ce que c'est pas un vrai médecin? Il y a justement les trucs des espadrilles. Ah oui, ça, c'est drôle, les espadrilles. fera tout. Je vais pas dire. Bon. De toute façon, c'est son dessin aussi. Oui, parce que... Donc, parce que c'est là peut-être que le frère cordonnier, il faut le dire aussi quand même, hein, le frère cordonnier, il n'a jamais participé au vol et tout ça, mais il a été expulsé du jour au lendemain. Parce qu'il avait donné à manger à ses frères. Donc, parce que, évidemment, de temps en temps. Soupçonné, en tout cas, de complicité. Ouais, et donc, peut-être que c'est parce que lui était cordonnier qu'ils avaient appris à un peu travailler les chaussures et ils mettaient les semelles à l'envers pour semer les policiers. Ouais, il y avait les semelles à l'envers, hein, puis il y avait les doubles talons aussi. Les doubles talons aussi, voilà. Donc, ils avaient quand même des chaussures assez. Ah oui, tu les as dessinées là-dessus, oui, oui. Voilà. Il y a aussi Luigi, qui est ben, déjà à un moment, quand ils partent tous les trois avant de tirer sur le gendarme de Savine, ben, on recherche trois personnes, deux gars et une femme, et dans un autre article, c'est en Italie, une institutrice qui croise les deux frères, et Luigi est déguisé en femme. Donc il pratique aussi le déguisement. Pour échapper au. Voilà. Et donc, finalement, il se fait arrêter, Alessandro, avec un autre comparse, un autre complice qui vient un peu remplacer les frères. Ben après, c'est aussi une autre partie d'Alessandro, où là, justement, peut-être que ça rejoint peut-être un peu plus l'anarchisme, tout ça, parce que c'est la période du Gino Rosso en Italie, une période assez révolutionnaire, et il y a des choses à creuser justement dedans parce qu'ils veulent buter des carabiniers, donc c'est à moitié banditisme un petit peu politique, il y a des, bon, il y a toute une agitation quoi, parce que ben, à laquelle il participe. Le jour où il se fait emprisonner, il y a des jeunes le matin qui crient vive l'anarchisme dans les rues, il y a toute une manifestation. Et à mon avis, de toute façon, peut-être un peu comme Nesrine qui est bandit, et puis qui était aussi avec des idées politiques qui lui sont venues après. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont dû grandir dans sa tête à cette époque-là. Quoi. En plus, pour chasser comme il était. Ouais. Enfin, là, on est plus dans les. On imagine qu'on n'a pas vraiment de trace, quoi. Mais ce sera intéressant à creuser. En tout cas, là, il est mis à l'isolement pendant des mois, c'est ça, hein. En plus, il est blessé de nouveau et pas soigné par prison. C'est bien ça. Bah après, il est soigné, mais mal soigné. Mal soigné. Donc, de droitier, il devient gaucher. Je ne sais pas si j'ai mis le dessin où tu le montres. Il écrit ses mémoires, mais de la main gauche, en fait, hein, parce qu'il est... Alors, déjà, ce qui est amusant, c'est que... Ben, c'est amusant. C'est les chiffres. Et il déserte un 30 mai 1917 et il se fait prendre un 31 mai 1920. Voilà, sa fuite, elle dure presque 3 ans. Et puis, alors là, c'est la période que j'ai un peu le plus, on va dire, vue de près, puisque c'est celle du procès. Donc, qu'il utilise un peu comme une tribune. La pauvre Isabelle, c'est elle qui s'est tapée justement les trucs, où, les articles où il y avait les. Alors, ça devenir énorme. Voilà, peut-être que là, je vais raconter comment on a travaillé, parce que donc, Pierre avait reçu des documents italiens, il avait commencé à les lire, il sait un peu l'italien, on va dire, il avait utilisé Google Trad. Et donc, j'ai eu le temps, pendant notre séjour, là, d'en vérifier 3. Et puis, quand il m'a parlé de ce volume, quand il m'a dit qu'il voulait mettre les textes, je lui ai dit, mais tu peux pas mettre les textes. Heureusement que c'est au téléphone, je crois qu'elle m'aurait giflé ici. Voilà. Et puis, je me suis dit que je n'avais pas le temps de faire ça toute seule. Et donc, grâce à Tony, en fait, on a mis sur pied une petite équipe. En fait, Tony a bien voulu revoir ou traduire les textes, selon, parce que certains étaient mal traduits. Certains n'étaient pas traduits du tout, et puis du chapeau de Pierre sortaient toujours des nouveaux textes, et puis finalement il faudrait bien aussi un petit peu celui-ci. Et est-ce que par hasard tu ne voudrais pas aussi me traduire celui-là, parce qu'il est très important. Donc Tony m'envoyait ce qu'il avait fait, et avec Martha, donc, que tu citais tout à l'heure, c'est une de mes anciennes étudiantes en fait, mais qui vient de cette même vallée, donc ça l'intéressait beaucoup aussi, elle m'aidait, et toutes les deux ont vérifié. Et puis, on cherchait parfois des termes un peu plus propices, parce qu'il y avait du langage juridique, il y avait des termes anciens. Et puis, c'était très intéressant de faire même une étude sur la façon dont les journaux ont exploité l'histoire, parce que après tu mets des choses aussi bien en français qui viennent de partout, même en anglais, je crois. Et puis alors tous les journaux locaux et pas seulement, on en fait des gorges chaudes. Et surtout que au procès, Alexandre, il montre un peu il tire ses dernières cartouches. En fait, il montre aussi son tempérament, il se montre assez fantasque. Il s'en sert un peu comme tribune, finalement. Même comme scène de théâtre. Et donc, toute sa verve. Toute sa verve, en plus, voilà. Après, tout ce qui nous est transmis, ça nous est quand même transmis par des journalistes. Et ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que Pierre trouvait des sources dans des journaux avec des étiquettes politiques, on va dire, différentes, ou des publics différents. Donc chacun apportait un petit peu un petit changement à l'histoire. Et ce qui nous avait amusé avec Martin, il voulait dire qu'il était magnétisé à ce moment-là. J'ai été magnétisé, donc on avait traduit pareil. Et puis il nous avait parlé. Voilà, j'ai connu Alexandre. Il parlait dans un de ses articles de l'astronomiste et du magnétiseur. Et donc astronomiste, ça n'existe pas non plus en italien. Donc on a inventé le mot astronomiste. Après avoir cherché, bien vérifié partout, parce que peut-être que ça existait dans une ancienne version italienne. Et maintenant. Et donc, Pierre m'envoie un petit message, mais alors c'est quoi astronomisme, machin ? Bref, on lui a expliqué que ça faisait partie des choses que Alessandro voulait faire croire. Donc, c'était pas lui qui avait agi, mais une force. C'était quand même assez à la mode. On ne sait pas s'il délire ou s'il se fait passer pour un délire. Et en tout cas, alors que j'étais avec Martha sur Skype, je reçois un message avec un dessin, et voilà que l'astronomiste existait pour de vrai. Et donc c'est là que ça nous a permis aussi, de comprendre ce que Pierre cherchait vraiment dans les articles. En fait, il avait besoin des petits détails sur la façon d'être habillé, sur le comportement. Parce qu'après, il faut bien lui chercher une couleur de cheveux, une couleur d'habit. Et donc il était très avide de tous ces petits détails. Quand on est allé ensemble aussi à Mantoue, il a fait le tour du village pour essayer de trouver des traces du village à l'époque, évidemment. Donc sinon, il faut bien nourrir l'imaginaire. Donc je vous avoue que cet astronomiste, c'est un de mes... presque mon deuxième... dessin préféré, parce que j'ai l'impression d'avoir aidé à le faire naître, et puis avec Pierre, et avec Tony et Martha aussi. On a suivi sur le mot. On a. voilà. Parce qu'il y avait astronomiste, magnétisé, et puis le horoscope. L'horoscope aussi. Voilà. En tout cas, ça montre bien la façon dont. Enfin, moi, c'est là que j'ai bien compris aussi. Pourquoi notre travail à nous était utile finalement. Est-ce qu'on montre peut-être le film est-ce que vous avez encore comment c'était un moment procès ben voilà, alors ce qu'on va terminer peut-être, c'est que en fait, donc il a été condamné à vie, enfin à perpétuité, et que Pierre a fait toutes les recherches pour savoir comment il avait fini. Et moi aussi, j'ai essayé par des gens qui habitent sur Turin de trouver quelqu'un qui travaille. Et finalement, j'ai trouvé par quelqu'un qui travaille aux archives que, on ne sait pas. Donc la recherche est encore en cours. Tu n'as pas trouvé ni aux archives là-bas. Enfin, on sait qu'il a été emprisonné à Turin, qu'il a été condamné à perpétuité. Avec 10 ans d'isolement. D'isolement. Donc est-ce qu'il est mort s'est suicidé, puis après, comme c'est la période où Mussolini arrive au pouvoir et que lui s'amusait à faire le con en prison, peut-être que là, après les matons, ils avaient les mains libres, peut-être pour faire ce qu'ils voulaient aussi avec des prisonniers, peut-être qu'il est parti au bagne. En tout cas, il n'y a pas de traces pour l'instant qui ont émergé. Alors, je ne sais pas si ce Roberto Bello, il a vraiment cherché aussi, parce que lui, il est sur place, est-ce qu'il a vraiment. Chercher partout, enfin ça reste un peu le mystère de la mort d'Alessandro. Il est aux mêmes pièces que moi, quoi, de l'état de Turin. Donc, il y a peut-être encore un endroit où chercher, ou en tout cas si vous entendez parler d'Alessandro. Peut-être ce qu'on peut raconter aussi, c'est ce que nous avait dit la petite fille. Ah oui, bah, je te laisse parce que c'est toi qui as discuté avec elle. Ah oui, parce que c'est un Alors en fait, voilà, après tous ces virages qui tendent beaucoup plus vite avec Pierre, on est arrivé à Mantoue, on a vu Loris. Loris nous a emmenés chez la petite fille donc du cordonnier, celui qui finalement n'avait pas participé aux espoirs et donc avait été expulsé par la France et qui avait finalement refait un peu sa vie dans la maison des parents. C'est le seul qui est resté dans la maison des parents. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, la vie n'avait pas été facile parce qu'il disait qu'il était parti à... Tout jeune. Avec la bière et puis... Non, mais après, à Bardot, ah oui, voilà. Parce qu'en fait, dans le village, ce que nous a raconté la petite fille, j'ai oublié comment elle s'appelait déjà. Elle nous a raconté que les gens, en particulier un de ses voisins, étaient persuadés qu'il y avait un trésor Bodhisattva. Avec tous les vols qu'ils avaient accomplis, ça, ils avaient forcément planté un trésor. Et donc, ils ont fouillé. Enfin, et puis, surtout, encore aujourd'hui, elle nous a dit que. Enfin, mais bon, le voisin, il avait l'air un peu quand même arrêté, il n'avait pas raconté. Mais elle avait eu à vivre des épisodes de mauvais voisinage, justement, à cause de cette histoire qui remontait à quand même pas mal de décennies en arrière, et à laquelle son père, son grand-père, donc, n'avait pas participé. Donc ça, pour elle, je crois que ça avait été un peu difficile. Mais, mais en revanche, elle était d'accord. Elle, d'ailleurs, je pense qu'elle les a lus, les BD. Elle était très, comment dire, curieuse d'avoir plus de nouvelles, etc. Parce que finalement, elle ne savait pas grand-chose de cette histoire, à part ce que les gens lui faisaient subir dans le voisinage. Et c'est peut-être les descendants d'Ernesto qui, eux, étaient plus... comment dire, plus qui avait moins envie d'en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de contact entre les descendants des quatre, des, finalement, il y a deux frères qui ont eu des enfants. Alors, parce qu'elle nous avait promis, tu te souviens, de nous mettre en contact avec un petit cousin qui, lui, en saurait peut-être plus, et finalement, elle n'a pas trop su non plus. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut donner quelques images du film que tu as ramené là, juste que, si tu veux les commenter, pas, ou donner des questions. Ouais, alors, des questions. Le film. Sinon, on a prévu de vous faire chanter aussi. Ah ouais. Si vous voulez. Ah, attends, on va quand même montrer un petit peu le film puisque tu l'as ramené maintenant. Attends, comment je fais déjà ça, j'ai dit, dupliquer, le film, il est ici. Voilà. Donc c'est en fait c'est la mairie de l'Argentière, l'ABC, qui maintenant qui un peu utilise ça comme une un peu un attrait touristique. Voilà, maintenant que c'est passé, en tout cas il y a quatre petits films que vous pouvez trouver sur YouTube. Là, Pierre en a amené un. Pourquoi tu veux faire stop? Non, j'ai la... Ah, pardon. Et ça montre un peu l'Argentière à l'époque des frères Bodhisattva, finalement. Bon, à la fameuse photo que tu as reprise. Ça, c'est toi qui leur as donné le matériel, là? Non, justement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une exposition, ils font des visites sur les lieux du crime. La journée du patrimoine, ils avaient fait un truc dessus, ils voulaient faire un parcours dans l'Argentière qui ne s'est pas fait finalement. Préparez-vous à la résistance. Faire visiter la maison du crime. Moi j'ai visité la maison du crime. Enfin, devant. Il y a une belle histoire de grotte aussi qui se. Ah oui, parce qu'au-dessus de l'Argentière, ils avaient un repère. Un repère au-dessus de la montagne, on les a cherchés partout dans la montagne autour, ils étaient juste au-dessus, ils ont retrouvé le repère qu'en 1920, donc trois ans après le début de tout ça, parce que les arbres qu'ils avaient coupés avaient commencé à faner, et le garde forestier, du coup, ça lui avait mis la puce à l'oreille. Mais ils avaient vu, donc sur la gendarmerie, ils avaient des jumelles où ils l'ont vu, et sur la maison de leur frère, où on dit qu'on mettait du linge de couleur asséché pour dire que telle couleur, il n'y avait rien à craindre, que là, que ça craignait. Donc là, c'est l'élite de l'Argentière à l'époque. Qui... Ah, elle a un nom, la grotte, ou ils l'ont appelée grotte Bodissa? Non, c'est pas vraiment une grotte, c'est une roche qui serait cassée en deux, a priori, parce que il y a des gens qui connaissaient, qui m'ont emmené, mais en fait, il n'y a personne qui cherchait vraiment. Il y a peut-être un trésor, oui. Donc voilà, si vous avez des questions, vous appelez le film, c'est le début de l'Argentière. Des questions? Le quatrième, il a fini là. Vous allez voir les trois. Le petit, maintenant le petit est mort. Le petit est mort. Vieux, voilà. Ernesto, c'est lui qui s'est installé dans une autre vallée? Ernesto s'est emprisonné parce que dans la vallée de Suse, ils ont quitté la vallée du Valquisone. Pour passer de l'autre côté dans la vallée de Suse, celle qui mène vers Turin, ou Saint-Turin. Et un jour, il y a des carabiniers, ils apprennent par des bûcherons qu'ils ont trouvé une cache de vivres, une cache avec plein de choses d'ailleurs dedans, parce qu'ils avaient des systèmes de cache en montagne, et les carabiniers, ils essayaient de justement toutes les trouver, leur couper tous les moyens d'accès, et puis les caches qu'ils trouvaient, les détruire. Et là, ils font un guet-apens et ils arrêtent Ernesto qui porte un sac de 100 kg sur le dos, sur plusieurs kilomètres, parce qu'il dit qu'il vient de Montoul. Mais même s'il ne vient pas de Montoul, il faut les porter. C'est avec deux autres bandits, parce qu'il y a aussi plein de des choses qu'on n'a pas parlé. Il y a plein de déserteurs qui se cachaient dans les montagnes, surtout depuis la défaite de Caporetto, où il y a eu des milliers de soldats qui ont déserté. Et ça aussi, c'est une chose qu'on a un peu zappé. C'est la situation des soldats italiens, mais c'est carrément innommable quand même. Je connais la Première Guerre mondiale en France et ce qui se passait. Bon, déjà, c'était pas joli, mais en Italie, c'est la boucherie. Caporetto, c'est Verdun, le Verdun italien. Il y a un film, je me souviens, ça s'appelle Les Hommes contre. Ils leur fabriquent des armures pour aller. Ils sortent des tranchées et ils se font descendre parce que c'est complètement absurde. Et c'était un front qui était dans les montagnes avec l'Autriche. Ah ben oui. Il y avait les batailles en montagne, justement, des fois presque jusqu'à 3000, ils construisaient des fortins là-haut. Mais il y a aussi en plaine, la vallée de Gorizia avec la chanson qu'Isabelle veut vous faire chanter. Et, il y a eu 13 batailles sur ce front-là pour rien donner. Et dans les trucs, là on avait parlé de général Graziani, qui était un boucher que j'ai retrouvé plus tard l'année dernière dans l'IB, où il parlait de ce qu'il avait fait en Éthiopie, il a massacré toute une ville. Mais il y avait aussi le général Cadorna, le grand général en chef italien. Son truc, c'était une mitrailleuse autrichienne, ça tire tant de balles. Donc il faut envoyer tant de balles plus de soldats pour aller détruire cette mitrailleuse. Il faut envoyer plus de soldats. Pour définir quand même le bonhomme, il faut raconter l'incident. Il traverse des troupes qui arrivent du front. Ah non, ça c'est Graziani. Graziani. Ah. Et il y a des troupes qui arrivent du front, les types ils sont épuisés, oui. Il y en a un qui fume. Ah. Et le général lui dit, ne fume pas devant moi. Et, les soldats le saluent, lui le salue aussi, mais avec sa pipe à sa bouche. La pipe à la bouche, voilà. Et il ordonne immédiatement qu'on le fusille sur le champ. Vas-y. Non, il bastonne le soldat. Mais il y a des civils qui sont là, qui disent « mais c'est pas comme ça qu'on traite aux soldats ». Et lui, il dit « vous les soldats, j'en fais ce que j'en veux ». Il fait prendre deux soldats, au fini, il le fait coller un mur, il le fait fusiller. Il rentre dans sa voiture en disant à un lieutenant de noter qu'il est mort par asphyxie. Et il repart. Et pour revenir sur les déserteurs, il y a eu beaucoup de condamnations à mort et des gens ont été exécutés, on le sait. Oui. Alors ce que je pendant que tu cherches, je peux dire encore quelque chose. Oui, bien sûr. Parce que du coup, donc là vous avez deux BD. Donc elles ne sont pas colorées sauf le dessin est très joli, c'est des BD. Tandis que là, vous avez les textes illustrés. Mais pas seulement illustrés, parce que. je veux, c'est pas que parce que tu es là que je veux faire des compliments, mais... Si, vas-y, vas-y. Non, parce qu'en plus, il m'a envoyé, moi j'ai vu le travail par petits bouts, après il m'a envoyé, j'en suis là, mais après il me dit non, ne regarde pas ça, parce que ça va pas du tout, je vais commencer à faire. Donc il a aussi multiplié les, comment dire, les supports. Donc par exemple, pour certains, pour raconter certaines choses, il a fait une BD. Ou pour d'autres, il a mis juste une illustration. Ou parfois, il utilisait la photo qui retravaille. Ou parfois... Voilà, donc pour dire, c'est... Enfin, je trouve que c'est très créatif aussi du point de vue du support lui-même. C'est pas seulement raconter l'histoire et illustrer. C'est que aussi du point de vue du dessin, il y a plein de... Il y a beaucoup d'inventivité. Voilà, ce que... Tu peux te faire les oreilles de nouveau. Parce que si ça me disait, ça va être très chiant. C'est que des documents ou alors regarder que on peut regarder les dessins. Voilà, parce que les documents, moi je, personnellement, je trouvais que parfois c'était un peu répétitif, mais pour Pierre, c'était important qu'il y ait ces documents qui se répètent parce que chacun apportait un détail supplémentaire. Ben, il y a ça, il y a aussi pour montrer comment la presse elle fonctionne, comment elle reprend d'un truc sur l'autre sans forcément vérifier, parce que là, justement, il y a une. On va y avoir dans le Petit Parisien un journaliste qui va écrire un article. Au début, je me suis dit super, il y a une histoire de femme dedans. Et après, je me suis aperçu que c'était carrément de la merde qu'il racontait. Et cet article a été repris après par plein de journaux, par le Daily Mail, par un journal néerlandais, même par un journal australien. Et voilà, donc c'est amusant aussi de montrer ses répétitivités, comment un journal va bien piocher dans un journal, ou même quelqu'un qui écrit un truc d'histoire, va prendre une source sans vérifier, va répéter cette source qui va se répéter, et un jour... Et ça, c'était avant, ça. C'est plus l'étonnant. Ah non, maintenant, c'est plus... Comme ça, c'était aussi, je sais pas, pour si des gosses disaient ça, se poser des questions. Donc cet article de merde, je l'avais fait un petit peu à la manière des pieds nickelés, version Fortun, avec des petites cases, et puis faire comme si c'était une BD. Et c'est vrai que quand vous lisez ça comme ça, c'est rigolo, on a l'impression que ouais, c'est sympa, c'est cette petite BD. Mais voilà, c'est dans un journal, l'article est sous forme d'un article, et tous ceux qu'on lu... voilà, ça a forgé une opinion pour un journaliste, l'a forgé à travers ses lectures de romans tramway. Tu cherchais le nom des déserteurs. Oui, les déserteurs. Donc 745 condamnations à mort, recensées. Et 15335 sentences de réclusion en perpétuité. Parce que là, c'est y aller. On a perpétuité. Et exécuté 750. Ils ont été exécutés. Ah, 750 répertoriés. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être plus parce que. Oui, vu que ce que faisait le général. Réécouté la. On avait fait une journée les 100 ans des Bodhisattvas à la Roche de Ram. Et puis on avait invité un Italien qui avait fait une conférence d'une heure sur. Sur la situation italienne, parce que c'est pas un Français qui peut expliquer la situation italienne. Donc, et lui, il parle de gendarmes qui sont derrière les soldats, et quand on dit aux soldats de grimper et puis d'aller se faire faucher, mais s'ils grimpent pas, il y a les gendarmes qui sont là pour leur tirer dans le dos. Quoi. Donc là, c'est pas une exécution. C'est une exécution à mort. Là, c'est... Ce qu'il faut dire aussi pour l'histoire de l'Italie, c'est que l'histoire de l'Éthiopie, ça a été une plaie énorme au niveau des soldats qui sont partis là-bas. Ils ont vécu des trucs atroces, ils sont morts de faim. Ça a été une catastrophe pour l'armée italienne. Et le frère Bodhisattva qui arrive de là-bas, qui arrive de là-bas, on le renvoie au front. C'est un truc, on a du mal à imaginer un truc comme ça. Quoi. Même en Libye, je ne veux pas faire de parallèle entre Nesrine et Alexandre, mais Nesrine qui part en On a déjà un petit gars en Algérie qui apprend à tirer le maniement des armes et voir ce qui se passe. Et qui abat les autres, je veux dire, comme si c'était du bétail, comme si c'était. Je veux dire, la vie humaine, elle perd son sens. Ouais, voilà, ça. On fabrique des bêtes, après on s'étonne qu'il y ait des bêtes. Pourquoi les bêtes, ils ne pas comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Alors, vous voulez chanter en italien? Oui. Bah, la dernière fois, j'ai dû chanter déjà parce qu'on m'a fait venir un chanteur, il est tombé malade. Hein? Alors, c'est quand même pas de chance. Alors, attends, il faut que je retrouve le... Joséphine. Et ne sauve pas Tony. Hein? Non, non. Je vais regarder. Vous y voyez clair là? Explique ce que c'est que cette chanson. Alors, et ben, en fait, j'ai choisi. Bon, voilà. Après, on va reprendre. Alors, en fait, Gorizia, c'est une ville qui, voilà, en fait, entre la moitié, et de, actuellement, la moitié de cette ville est italienne, et l'autre moitié est quand même, et voilà, maintenant c'est slovène, ça a été Yougoslave, etc. Donc, c'est un des endroits, comme Caporetto, où les gens sont morts, ben, comme des chiens, quoi, dans ces circonstances. Il y aurait malheureusement plein d'épisodes à raconter pour montrer surtout le mépris des officiers à l'encontre des soldats qui étaient justement à mourir et à faire ce qu'on leur disait, etc. Et donc, en 1917 aussi, ça peut être aussi un autre élément qu'il faudrait creuser d'un point de vue du contexte historique, parce qu'il y avait pas mal de révoltes aussi. Les échos de la révolution russe, quand même. Donc c'est aussi par hasard que 1917, peut-être, c'est à ce moment-là que Alessandro... Il y a les révoltes du pain à Turin ou... Tout ça, c'est lié, en fait. Hein. 1917, ça bouillonne, ça bouge pas mal. Alors, pour cette chanson-là, en fait, on ne sait pas la date et on ne sait pas qui est l'auteur, mais en tout cas, c'est une des chansons qui naît au moment de la Première Guerre mondiale et qui devient une sorte d'hymne de protestation, en fait, au moment de la Première Guerre mondiale. Crayon, c'est Crayon. Voilà. C'est la chanson de Crayon. C'est la chanson de Crayon. Sauf que celle-là, il y a une chanson de l'équivalent un peu plus ancien qui m'échappe maintenant. Là. En tout cas, alors, voilà. Et donc, pour ceux qui ne sauraient pas l'italien, je peux vous dire en gros ce que ça veut dire, parce que du coup, là aussi, c'est ma traduction qui est dans... Parce que, voilà, celle-là, je me suis dit, au moins qu'elle soit relue. Je ne suis pas sûre qu'on ait tout relu. Et puis, on a failli aussi, je profite que Tony n'est pas là pour le dire, mais certains fichiers avaient miraculeusement disparu d'ordinateur de Pierre. Et puis, ils ont miraculeusement réapparu quand je lui ai dit, écoute, non, là, tu ne peux pas mettre notre nom parce que ce n'est pas possible qu'on ait revu cette affaire. Et du coup, il les a réinsérés, ça. Là, on s'est dit ouf, mais donc on n'a pas tout revu exactement, mais enfin, quand même. L'essentiel. Si, parce que Martha, elle a fait. Ah oui, c'est vrai que Martha, elle a tout revu encore. Ah oui, parce qu'après un moment, moi, j'ai même plus pu suivre notre équipe à continuer son. C'était tellement douloureux. C'était embêté dans ce lot. Voilà, parce que c'était pas super rangé dans l'ordi, quoi. Bon, pas grave. Alors, sauf que moi, j'ai pas la voix de basse de Jean-Pierre, alors il faut se mettre d'accord. Vous n'avez pas un piano encore, monsieur? Il va falloir investir dans un piano, là. Hein. Monsieur, on a la place, hein. Alors, qui? Alors, oui, je vous dis. Donc, le matin du 5 août, les troupes italiennes, vous lirez la traduction un peu plus élaborée, en direction de Gorizia. Alors, les terres lointaines, parce que Gorizia, c'est vraiment les confins de l'Italie. Hein. Même encore aujourd'hui, ceux qui ont fait encore le service militaire, ils sont tous passés par le Frioul ou l'Émilie ou la Vénétie julienne, parce que forcément, c'était ces zones de frontières où pendant longtemps, il y avait des troupes. Mais zone de conflit avec l'Autriche. Avec l'Autriche, et là, en l'occurrence, avec la enfin à l'époque, c'était encore l'Empire austro-hongrois. Oui, oui, encore. Oui. Et donc, l'âme douloureuse de chacun partait, l'eau tombait à verse, et les pluies et les balles ennemies tombaient comme de la grêle par les montagnes, ces collines et ces grandes vallées, on mourait en mourant. Gorit, a tué maudite. Pour tous les cœurs qui ont une conscience, le départ fut douloureux et pour beaucoup, il n'y eut pas de retour. Ou vous, les lâches qui restez, qui vous prélassez avec vos femmes dans vos lits en laine, parce qu'évidemment les soldats, ils devaient dormir sur, je ne sais pas, la paille, je ne sais quoi. Vous qui méprisez, qui nous méprisez, nous, la chair humaine, cette guerre nous apprend à punir. Et donc là, c'est là que cette chanson prend toute sa dimension de rébellion, en fait, finalement. Vous appelez champ d'honneur cette terre au-delà des frontières. Ici, on meurt en criant assassin. Un jour, vous serez maudit. Ma femme, chère femme, qui ne m'entend pas, je... Ah, j'ai oublié de corriger, j'ai une faute. Merde. Pardon, je dis un gros mot. Il manque un M. Je recommande à mes compagnons, à mes voisins, de prendre soin de mes enfants, car je meurs avec leur nom dans mon cœur. Et ça reprend, Gorit, si tu es maudit. Pour chaque cœur qui est conscient, le départ a été douloureux et pour il n'y a eu de retour pour personne. Alors. Et il y a parfois d'autres strophes en plus, mais dans la version la plus fréquente, ça s'arrête. Et normalement, il y a deux M, Rakoman. Alors, qui la connaît, à part Jean-Pierre? Deux, là. Le copain cassette, s'il la connaît. Alors. Tu... Allez, il y en a un peu longtemps. Vas-y, vas-y, lance-toi le chant avec toi. Bon, c'est pas mon métier, hein, normalement. Hein? Tu chantes, t'es comme... Ouais, mais... Elle est dans une chorale. Je me fais pas payer pour. Alors... Ça tombe bien, on va pas te payer. Merde! Tu peux y aller. Non, mais la dernière fois, c'était dans les Lambrassins, c'est tout ça, j'étais moins timide, mais là, d'un coup, je suis intimidée. Bon, c'est pas grave. Alors, ouais. La mattina del 5 di agosto, si muovevano le truppe italiane, per Gorizia le terre lontane, e volete ognuno si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio, grandivano le palle nemiche, su quei monti, colline e gran valli, si moriva dicendo così. O Gorizia, tu sei malvagia, però di cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molto non più. O vigliacchi che voi ne state, con le mogli sui letti di lana, che intorni di voi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini, qui si muove gridando assassini. Maledetta sarete un dì, cara moglie che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da contro i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta, per ogni cuore che si sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per te. avant de passer à la discussion autour d'un verre, est-ce que tu peux présenter le projet qui est à la Roche d'Aura? Ce n'est pas la base. Il y a eu toute cette histoire autour de... Je vais chercher. Non, sur le site, mais je vais chercher dans les photos que tu m'as envoyées. Il y a des photos, je sais pas. La maison. Alors, j'ai pas... il me faut la... Mais dans ce que tu m'as envoyé, il n'y a pas. Sinon, mais il me faut la clé de la Wi-Fi. Et comme ça, je peux chercher pendant que tu pars. Si vous donnez la clé de... Ben si, je l'ai ici. Il me dit que vous avez un outil. Mais il me faut la clé qu'il y a à la Lightbox. Tony, on a un accès pour Internet, hein? Oui. C'est quoi le code? Je donne le papier. Ah, ça, c'était pas préparé, désolé. Hein. Non, mais c'est moi qui ai. Voilà, donc je vous avais dit, comme vous avez vu, ce petit local à Montoul de nos amis italiens, il était bien sympa. Il m'avait donné des idées, mais qu'est-ce que c'est des idées quand on est tout seul? Et après, il s'est passé. C'est passé qu'il y a eu RTE qui est venu dans notre région S'il vous plaît, on écoute Pierre. Attends, on les attend qu'elle est terminée de ce que ça parle là aussi. Donc oui, ben j'y suis alors. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a RTE qui est venu dans notre belle région de montagne, qui a trouvé nos montagnes étaient vraiment crétines et qu'on pourrait en faire quelque chose de super en y mettant des pylônes de lignes à très haute tension. Les élus ont été très contents parce que ça allait développer les bénéfices du BTP 05. Toutes les maires des communes impactées allaient toucher 2254 euros par pylône qu'elles allaient poser sur leur commune, dont celle où j'habite, où il y a, je crois, 17 pylônes, donc les maires peuvent être très contents, on ne peut pas dire que ce soit un OTHT. C'est pas ça Si, peut-être, mais je ne sais pas si un lycée qui est photos de la fête. Mais j'ai vu, il y en a vu des maisons déjà. Oui, c'était la maison. Ouais, c'était la maison. Donc je retourne. Tu peux revenir sur le débat. Donc il y a eu plusieurs collectifs qui se sont créés pour lutter contre ça. Des gens qui se sont rencontrés, qui se sont connus, qui ne se connaissaient pas forcément avant, qui avaient des points communs, pas forcément, mais en tout cas qui avaient des envies communes. Et justement, l'envie de pouvoir créer un lieu sympa, un petit peu, avec nos idées pour un monde moins crétin, un monde différent, et puis faire des choses. Ouverte un petit peu à tout le monde, et on a eu la chance à la Roche de Rame, il y a une grande propriétaire qui avait plein de maisons, et qui est décédée. La Roche de Rame a racheté des maisons dont personne ne voulait, dont celle-là qui est un ancien relais de diligence. Et surtout parce qu'il se trouve, la Roche de Rame fait partie des quelques villages encore qui ont pas eu de déviation. Et c'est vraiment dans un étranglement de villages où les camions ne peuvent pas se croiser. Et ça fait des années qu'ils parlent de déviation. Mais voilà, entre cette maison-là et l'hôtel en face, voilà, personne ne veut acheter. C'était des maisons qui étaient abandonnées depuis longtemps. Et ils ont proposé de vendre ça à quelqu'un, de vendre ça en échange de faire quelque chose qui apporterait des choses de la vie ou un projet pour la Roche de Rame. Donc, il y a eu un moment, éventuellement, des gens qui voulaient faire une sorte de maison de retraite dedans, puis ça n'a pas tenu, et puis nous, et il est resté que nous. Et donc, il nous l'a vendu 50 000 euros. Ça, il y a 750 mètres carrés, il y a plein de travaux à faire. Mais non, bah attends, hein, parce que ça, c'est qu'une façade. Hein. Mais à l'intérieur. Donc on a commencé à réfléchir et on a réussi à trouver ces putains de 50 000 euros par des gens qui nous ont fait des dons, par des gens qui nous ont fait des prêts, etc. Alors après, on essaie de ne pas faire ça crétinement, donc on s'est renseigné aussi au CIRA parce qu'ils nous avaient parlé de problèmes qu'ils avaient eu, de problèmes d'autres associations, et donc de protéger le bâtiment. On a trouvé 50 000 euros, même les gens qui nous font des dons sont protégés si un jour il y a le projet, un projet de déviation. S'il n'y a pas de déviation, ce serait raser ces deux maisons-là pour que la nationale passe tout droit. Si ça se trouve un jour, on sera chassé après qu'il nous ait chassé. Là, ça sera un peu moins évident. Ici, il y a toute une partie qui avait été habitée jusque, je sais pas, il y a 15 ans, qui est assez propre, tout premier étage. En dessous, là, justement, c'est la cave qui donne de plein pied dans un jardin. Et cette cave, elle ressemble étrangement, justement, à ce que j'avais bien aimé, ce que j'avais vu en Italie. Il y a un peu de travail, mais c'est pas le plus énorme, quoi. Mais on va déjà retaper toute cette partie-là, faire des agrandissements, refaire un balcon, etc. Et quelles seront les activités? Toc, toc. Encore. Là, oups. À côté de la maison qui est là, il y a un four. Oh, mais alors, excusez-moi, c'est. Il y a un four à pain. Ah, cette partie-là sera détruite parce que ça fera partie de ce que récupère la mairie. Mais il y aura un four à pain. Donc on pourra faire des soirées pizza en plein air, dans un pizza ou machin. Voilà. Pourquoi la mairie vous l'a pas donné, franchement? Pourquoi la mairie vous l'a pas donné? Ils auraient pu vous faire un truc. Encore sur cette partie-là, ça peut se comprendre, parce que c'est un problème de parcelle. Après, il y avait des hangars ici qu'on aurait bien voulu récupérer. Ils veulent les garder. Bon, ça n'est pas grave. En tout cas, on a la maison, ça aurait pu être encore mieux. Donc il y avait la cave, toute cette cave qui peut faire une super grande salle de réunion. C'est une voûte. C'est une ancienne étape, une voûte, là, il y a des super piliers là, qui doivent dater de chez Patron. Donc tout ça, c'est un ancien relais de diligence. Encore ? Au-dessus, ici, il y a. Ça monte, c'est un petit mini. Et il y a une gigantesque grange avec 9 mètres de. On la voit 9, pas 9 mètres de hauteur, on la, là, on la voit pas. Je sais pas si. Est-ce qu'on avait besoin de monter des étagères? Et tu peux parler aussi des autres actions migrants sur les justement qu'est-ce qu'on va faire plein de choses. Après il y a plein d'idées différentes. Ce sera des collectifs qui se créeront suivant les activités. Le principe qu'on veut faire, c'est du prix libre. Qu'il y ait des gens qui fassent des activités pour se faire de l'argent, soit parce que je fais du massage, que je vais faire des stages de shiatsu. Ben si, on peut faire un stage de shiatsu. Après, par contre, c'est un peu libre. Et ça va à l'association, ça va pas dans ta poche. Voilà. Tu ne feras pas un après-midi. Mais après, tout ça, c'est encore à. Donc, on a fait une charte, on a fait des trucs, ça va évoluer après, suivant la réalité des choses, mais déjà on essaye de cadrer, de ne pas tomber dans un dans ce qui se fait habituellement et que finalement, qui marche peut-être, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Quoi. Nous, on voudrait essayer de développer autre chose. Tu peux dire que ça va s'appeler les croquignards quand même. Et voilà, puis, c'est pas moi qui ont choisi un nom, les croquignards. Ils auraient dit non, parce que ça va faire la sécurité. Ils ont dit on s'en fait, ça serait la même chose. Voilà, donc ça s'appelle l'association des croquignards. On n'attend plus que le géomètre fasse un papier de géomètre pour le bornage aussi, et passer devant le notaire, et après on retrousse nos bras tous et on ouvre. Donc l'association propriétaire, c'est celle-là qui s'appelle les croquignards. Et puis il y a aussi, en ce moment, le problème des migrants dans le Briançonnais. Donc il y a plein d'avis des croquignards qui sont partie prenante dans ça, qui font des maraudes le soir pour voir s'il y a personne dans la neige qui essaye de créer des passages, mais en tout cas au début quand ça se passait au col de l'échelle, un petit peu indiqué par où il fallait passer parce que c'était dangereux. Maintenant le col de l'échelle côté italien, parce que il y a en France des choses qui se passent, mais même côté italien aussi, il y a pas mal de gens qui sont mobilisés pour donner aux migrants des vêtements chauds, des chaussures, ou leur dire un peu de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a aussi la mafia qui organise des passages à 300 euros par migrant, qui les dépose avant la frontière, et puis avant de téléphoner. Aux associations, aux maraudeurs, on vient les chercher. Mais maintenant, ils répondent plus au téléphone, ils marchent dans ces combinables. Donc, ils essayent de passer à côté. Côté policier, c'est la répression, avec l'histoire que vous avez entendue la semaine dernière, là où ils ont laissé un copain a trouvé des migrants, dont une femme enceinte qui était sur le point de bouger, avec une histoire délirante de la police qui l'a laissé pendant une heure dans ses douleurs. Et puis même, pire, une femme douanière qui n'a pas été fichue d'avoir un peu d'humanité. Et là, je crois que c'est encore le pire. Quoi. Donc, Benoît qui disait que cette femme lui avait dit mais vous en savez quelque chose, vous avez déjà accouché, et qu'il avait répondu que lui il était secouriste et qu'au moins lui il savait évaluer l'urgence qu'on en avait quoi. Et ce que tu n'as pas raconté non plus, c'est qu'ils ont, pendant qu'ils ont amené finalement le final au bout d'une heure, ils ont ramené le père et les enfants en Italie. Ouais. Et qu'à ce moment-là, je pense que c'est l'hôpital qui a fait pression, d'après ce que j'ai lu, pour que finalement on le ramène auprès de sa femme. Parce que comme il est dubliné, comme on dit, la loi prévoyait qu'on le ramène avec ses deux petits-enfants, alors que sa femme est en train d'accoucher. Après, de 3 et 5 ans, tout petit, hein, c'est pas. Même pas, tout petit, oui. Tout petit, ouais. 2 et 4 ans. Et la mère à l'hôpital et le père ramené avec les deux enfants en Italie. Et des gens. Parler un super anglais alors que les douaniers évidemment n'étaient pas capables de comprendre un seul mot. Non, on a quand même du mal à imaginer qu'en 2018, on ait autant de sauvagerie dans nos comportements. Mais franchement. Parce que là, c'est de la sauvagerie, c'est même pas l'application du règlement. Je veux dire, il avait au moins l'excuse de dire cette femme, elle souffre, voilà. Bah, non, même pas, je veux dire. En train d'accoucher, je sais pas, n'importe quoi. Ben oui, quelque chose. N'importe quoi, et après, il y a d'autres. Et il est accusé d'avoir amené des étrangers. Je veux dire, en plus, je veux dire, non seulement il porte secours, mais en plus on l'accuse de favoriser. Mais des histoires comme mais ça. Mais c'est une histoire de fou, c'est pareil. Mais on le lit, on n'y croit pas un truc comme ça, ça paraît pas vrai. Ouais, il y en a plein, là, quand les Italiens racontent des choses, il y en a un. Il avait raté le col de l'échelle, il était parti dans la vallée étroite, c'est une vallée qui mène nulle part. Et un refuge, il a actionné le signal d'alarme. Donc on est venu le chercher, il était gelé. Les carabiniers l'ont mis dans une pièce où il y avait les fenêtres ouvertes, il se moquait de lui dans une Parkinson parce qu'il tremblait. Et c'est quand ses doigts pieds ont commencé à dégeler et à gonfler qu'ils ont mis un coup d'œil. Pendant tout ce temps-là, il rigolait, il se marrait, et pareil. Hein, sur la femme en train d'accoucher, quand il y a le témoignage du grand, du mari, et il parle des flics qui sont en train de rigoler pendant que sa femme est en train de se tordre de douleur. Ouais. Non, et il dit, mais est-ce que ces gens-là, ils ont envie de voir leur femme souffrir dans ces, ces conditions? Alors, je veux dire, c'était des gens de couleur, noirs. Et donc, la manifestation que vous avez organisée à Montgenèvre, voilà, puisque du coup, j'ai regardé la vidéo, et il y avait aussi, donc, il y avait des manifestants des deux côtés de la frontière qui se sont rejoints, et il y a des Italiens qui faisaient semblant d'être dédouaniers, et qui regardaient les gens, et qui leur disaient comme ça, « Vous êtes blanche, ça va, vous pouvez passer, parce que les Noirs, c'est des criminels. » Parce qu'il faut quand même voir que c'était le moment où, à Florence, ils ont encore tué un mec parce qu'il était noir, quoi. Donc, dans quel contexte ça se passe ça aussi, hein. Il y a tout ça, il y a les flics italiens qui poussent les migrants vers la frontière française, et les flics français qui essaient de leur pousser vers la frontière italienne. Donc, des situations kafkaïennes. Oui, parce que les Italiens disent, nous, avec notre argent, on accueille toute la misère du monde, et vous, les Français, vous voulez bien vous occuper des réfugiés, mais les autres, c'est pas votre problème. Donc c'est aussi une question qui concerne chacun voit midi à sa porte, quoi, malheureusement, et c'est aux dépens de l'humanité la plus... Fin. Donc il y a tout plein de choses qui se passent, il y a des gens voilà, qui font des maraudes, qui passent des nuits... dans la neige à chercher des gens, il y a des fois ils sauvent des vies, mais bon, il y a des fois il ne se passe rien. Mais voilà, toute la nuit, une partie de la nuit, ils sont dehors. Il y a les Italiens qui font aussi plein de choses, ça fait dit. Il y a les gens qui accueillent des migrants chez eux, qui les hébergent, qui les nourrissent, et après, quand on héberge un migrant, c'est pas pour 2 ou 3 jours, hein, c'est... Vous l'aurez avec vous pendant plusieurs mois, ou ce qui représente un poids financier aussi assez énorme. Quoi. Mais une amie qui les héberge, c'est des bouteilles de gaz, il faut les nourrir, il faut leur faire ci et déplacer quand il faut faire des papiers. Elle est investie dans plein de trucs, quoi. Elle est investie, elle était achetée dans les migrants, dans l'hôpital, dans le chemin de fer. Je me demande comment elle arrive à trouver du temps pour vivre. Mais voilà, avec tous les papiers aussi, les problèmes administratifs, quand on ne s'y connaît pas, mais il y a plein de gens formidables et de choses qui se passent à différents points de vue. Il y a chez Marcel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Marcel Enfou, ce riche propriétaire terrien qui était un petit peu clodo, qui a trouvé l'amour dans une jeune femme de 40 ans. Et ils sont mariés et il est mort un petit peu après. Bon, après, c'est peut-être vraiment un accident, mais de toute façon, il ne donnait pas longtemps à vivre non plus. Avec toute une histoire après de procès et de testament qu'elle a caché ou qu'elle voulait dire en fait elle a perdu tous ses trucs mais il restait donc cette maison inoccupée. Ouais. Et ça implique plein de choses, mais bon, il restait sa maison, c'était un vrai taudis et elle a été investie par plein de gens, ils ont vidé cette maison qui était ignoble, la cuisine c'était tout noir, le sol c'était noir, on ne savait pas ce que c'était, les murs c'était noir, le plafond c'était noir, l'évier, ça avait servi de la mécanique, je ne sais pas quoi. ils ont tout vidé, ils ont tout, tout nettoyé, tout retapé, etc. Le sol maintenant c'est de la briqueterie, non de la marqueterie qu'il y avait, les murs sont propres, ils ont retapé la grange, ça s'appelle chez Marcel, c'est un lieu d'accueil, ils sont formidables aussi par leurs actions, mais voilà comme tous. Hein. Il y a plein d'associations qui œuvrent là-dedans, mais voilà. C'est ce qui se passe dans Briançonnaise, mais c'est ce qui se passe aussi dans la Roya, avec c'est ce qui se passe partout. Je si vous voulez, il y a un film des années tout de suite de l'après-guerre qui s'appelle Il Cammino della Speranza. Deuxième guerre, voilà, et qui raconte l'histoire. D'un groupe d'Italiens qui vient de la Sicile, qui est en fait emmené par une sorte un passeur, voilà. Et puis le passeur, il les abandonne au plein milieu du chemin. Et donc il y en a certains. Pour aller en France. Et donc certains décident de repartir. Ouais. Et d'autres qui continuent tout seuls. Et donc, ils sont pris en charge par des guides locaux qui les emmènent. Voilà, ça, c'est les guides locaux. Et donc, ils ont des enfants, des machins, etc. Et ils font peut-être que des gens sont en train de faire. Tu connais pas ce film-là ? Si tu avais envoyé le lien. Voilà, et puis, là, ça dure 10 minutes, c'est peut-être un peu long. Mais donc, puis après, il y a une tempête, enfin, donc ça prend on imagine assez bien. Ils arrivent finalement de l'autre côté. Là, ils arrivent de l'autre côté, il y en a un qui meurt, on en voit un qui meurt aussi. Donc là, c'est l'autre côté, hein, ça montre bien. Et puis à ce moment-là, un peu plus, voilà, ils sont en train d'arriver. Et on les voit regarder, et puis c'est là qu'arrivent des... C'est les écrins comme pour nous. C'est possible, c'est possible, hein, moi je ne connais pas... De quand date le film? Hein? De quand date le film? Je crois que c'est 1948. Voilà, je ne sais pas si c'est des chasseurs, des gendarmes, des... Ah oui, voilà, on voit les chasseurs alpins. Il y a les Italiens et les Français. Ça, c'est des... Ouais, comment ça s'appelle? Les Italiens à gauche et les Français à droite. Voilà. Et donc, le groupe, il est arrivé et puis il attend de pouvoir passer de l'autre côté. Hein? Avec la plume sur le chapeau. Avec la plume. Non, c'est les alpinis. Non, c'est pas les alpinis, c'est les. Les Bersaglieri, c'est pas ça. Ça, c'est les alpinis. Les alpinis, c'est pas les Bersaglieri, ça. Non, les Bersaglieri, ils ont le grande plume de parade. Mais non, ça, c'est les alpinis. Voilà. Et même ce chapeau-là, c'est le chapeau des alpinis. Et c'est pas anodin, parce que c'est après la guerre, alors que c'était des endroits où les Italiens étaient les ennemis, quoi. Ah. Et donc, il y en a un qui a vu quelque chose, voilà. Donc là, ils les ont vus. Vous voyez la famille. Ils les ont vus. C'est la fin du film. Et donc ça, c'est les Français. Oui, ces chapeaux-là. Vous avez les papiers ? Non, il y a l'Italien aussi. Non, il y a un Italien et un Français. Un Italien et un Français. Ils collaborent. Il a une tête de pétainiste. C'est son fils. C'est son fils. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les laissent passer, le prochain coup. On est bien maquillés, le prochain. Ouais, mais dans la Roya, je sais pas, il y avait des...